il entre dans plusieurs conjurations qui avortent. Il n'en médita pas moins, bientôt à Rome, de plus grands projets. On dit, en effet, que peu de jours avant de prendre possession de l'édilité, il entra dans une conspiration avec le consulaire Marcus Crassus et avec Publius Sylla et L. Autronius, condamnés tous deux pour brigue après avoir été désignés consuls. Ils devaient attaquer le Sénat au commencement de l'année, en égorger une partie, donner la dictature à Crassus, qui aurait eu César pour maître de la cavalerie, et après s'être ainsi emparé du gouvernement, rendre à Sylla et à Autronius le consulat qu'on leur avait ôté. Tanusius Geminus, dans son histoire, Marcus Bibulus dans ses édits, et Sécurion le père dans ses discours, parle de cette conjuration. Cicéron lui-même paraît y faire allusion dans une lettre à Axius, où il dit que César effectua pendant son consulat le projet de domination qu'il avait conçu et tenté d'île. Tanusius ajoute que Crassus, soit peur, soit repentir, ne se montra pas le jour marqué pour le meurtre, que pour cette raison, César ne donna point le signal convenu, qui était, à ce que rapporte Curion, de laisser tomber sa toge de son épaule. Le même Curion, et M. Actorius Nason, lui impute encore une autre conspiration avec le jeune Gnaeus Pison, et prétendent que c'est sur le soupçon des menées de ce Pison, dans Rome, qu'on lui donna à titre extraordinaire le gouvernement de l'Espagne, que néanmoins, ils convinrent de provoquer ensemble une révolution, l'un au dehors, l'autre à Rome, et d'agir au moyen des Ambrones et des peuples qui sont au-delà du Pô, mais que la mort de Pison fit avorter leur projet.